السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى المعتل الجواد. Il y a certes parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Mu'ti ainsi que Al-Jawad. Al-Mu'ti, c'est le donateur, celui qui dispense ses grâces. Al-Jawad, c'est le généreux. C'est le généreux. Fasmu tabaraka wa ta'ala Al-Mu'ti thabitun fi sahih al-Bukhari min hadithi Mu'awiyah radiallahu anhu qal. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا قاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. Quant au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mu'ti, il est affirmé dans le recueil de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dans le hadith de Muawiyah radiallahu anhu, lorsqu'il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut un bien, il l'instruit dans la religion. Il l'instruit dans la religion. Et c'est Allah le donateur, et je ne suis que le dispensateur. Et cette communauté ne cessera de dominer ses opposants jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, alors qu'elle est toujours en position dominante. واسمه تبارك وتعالى الجواد جاء ذكره في الحديث القدسي في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت الحديث وفي آخر عند الترمذي وابن ماجه ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام وإنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. في سنده ضعف كما بيّنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. Quant au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jawad, il est mentionné dans le hadith divin rapporté par Abu Dharr radiallahu anhu, le célèbre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah le Très-Haut dit: ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que je guide. Et à la fin du hadith, dans une version de l'imam al-Tirmidhi d'Ibn Majah, on trouve: وَذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ. Et ceci, car je suis généreux. Et ceci, car je suis le généreux. Et le glorieux, je fais ce que je veux. Mon don est une parole, tout comme mon châtiment est une parole. Quand je veux une chose, il suffit que j'ordonne soit et elle est. Donc ce hadith comporte une faiblesse, comme l'a démontré l'imam du hadith de cette époque, l'allama al-albani rahimahullahu ta'ala. وكذلك ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جواد كريم يستحي من العبد المسلم أن يمد يديه إليه ثم يقبضهما من قبل أن يجعل فيهما ما سأله رواه أبو القاسم ابن بشار أو بشران في الأمال. Tout comme ce nom a été mentionné dans le hadith de Anas ibn Malik lorsqu'il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah azza wa jal généreux et noble. Et généreux et noble. Il a honte de son serviteur musulman lorsqu'il lève les mains vers lui, de les lui rendre avant qu'il les rabaisse vides, sans lui accorder ce qu'il lui a demandé. Inna Allah Azza wa Jal Jawadul Karim, yastahi min al-abd al-muslim. Il a honte que du serviteur musulman, lorsque ce dernier tend les mains vers lui, puis les referme avant qu'il n'y mette ce qu'il lui a demandé. Ce hadith comporte également une faiblesse, car il y a Ibn Lahia quant aux autres personnes de la chaîne de transmission, ils sont fiables. Wa fi hadith Talha ibn Ubaydillah ibn Quraiz mursalan قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها رواه أبو عبيد في فضائل القرآن والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما. Ce hadith comporte également des faiblesses, même si les autres textes viennent corroborer la véracité de ce qui s'y trouve. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a démontré que ce nom était affirmé dans son livre Bayan Talbis al-Jahmiyyah. Donc la traduction, certes Allah est Jawad, généreux, yuhibbul jud, il aime la générosité, wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq, il aime les traits de caractère les plus éminents, et déteste ceux qui sont bas ou futiles. Ce texte a été rapporté par Abu Ubayy dans les mérites du Coran et le Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Al-Mu'ti huwa al-mutafarrid bil-ata'i 'ala al-haqiqa, la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. 'Ata'uhu subhanahu kalam wa man'uhu kalam. Innama amru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa kullu ma bil-'ibadi min ni'matin فهي من منه وعطائه سبحانه وسع عطاؤه العباد كلهم مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم هذا في الدنيا أما يوم القيامة فخص بأولياءه المؤمنين قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Al-Mu'ti est donc un des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et son sens, le sens de ce nom d'Allah Azza wa Jal, est qu'Allah est le donateur, l'unique donateur en réalité. Allah Subhanahu wa Ta'ala est l'unique donateur en réalité. Nul ne peut priver celui à qui il accorde. Et nul ne peut accorder celui qu'il a privé. Donc lorsqu'Allah octroie de ses bienfaits, personne ne peut se mettre entre lui et sa donation. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal prive le serviteur, personne ne peut lui accorder par la suite. Lorsqu'il veut une chose, il lui suffit d'y dire soit et la chose est. Sa donation est une parole. Sa privation est également une parole. Tout bien fait qui se trouve auprès de ses serviteurs n'est qu'un don de sa part et une grâce émanant de lui. Et ses donations et sa générosité a touché l'ensemble de ses serviteurs. Il n'y a pas un serviteur sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala sans qu'il ne jouisse des donations d'Allah azza wa jal et de sa générosité. Qu'il soit croyant ou mécréant, pieux ou non, dans ce bas monde, tous les serviteurs d'Allah azza wa jal tirent profit de ses bienfaits et de ses dons. Par contre, dans l'au-delà, Allah Azza wa Jal a restreint tout ça aux croyants parmi eux, ceux qui sont rapprochés de lui par le tawhid, par l'islam. Dans Sourate Al-Isra, la traduction des sens de ce verset, nous accordons abondamment à tous, ceci comme cela, des dons de ton Seigneur. Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres. Et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. Dans Sourate Al-A'raf, dit qui a interdit la parure d'Allah, qu'il a produite pour ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures. Dit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement. Et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Ainsi, exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Donc les dons d'Allah Azza wa Jal, les faveurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans ce bas monde, tout le monde peut en jouir. Celui qui est pieux comme celui qui est égaré. Mais Allah Azza wa Jal nous dit que dans l'au-delà, c'est réservé exclusivement aux croyants. C'est réservé exclusivement aux croyants. Et ces dons d'Allah Azza wa Jal sont des épreuves. Allah met cela dans la main du serviteur pour voir comment est-ce qu'il va agir. Et il prive l'autre pour voir également comment il va agir. Est-ce que le premier va se montrer reconnaissant? Et est-ce que le second va se montrer endurant? Est-ce qu'il va s'acquitter des droits et des devoirs? Wal jawadu ma'na, après avoir expliqué le sens du nom d'Allah Al-Mu'ti, Al-Jawad ou Ma'ana, quant au sens du nom d'Allah, Al-Jawad, le généreux, Ma'anahu, Kathir ul-Ata, le sens d'Allah, du nom d'Allah, Al-Jawad, c'est celui qui donne énormément, celui qui donne avec abondance, celui qui donne avec grande largesse, celui dont la générosité a touché l'ensemble des êtres et des créatures. Allah est Al-Jawad, celui qui donne avec abondance, celui dont la générosité a touché l'ensemble des choses et des créatures. Ses grâces, ses bienfaits, ses donations, sa générosité a touché ou ont touché tout le monde. Aucune créature n'est exempte de sa bienveillance. Ne fût-ce que le temps d'un clin d'œil. Allah tabaraka wa ta'ala a donné avec générosité à tout le monde. Il n'y a pas une créature qui n'est pas dans la générosité, la bienfaisance et la grâce d'Allah Azza wa Jal, fût-ce le temps d'un clin d'œil. Qala ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala وأخبره يعني الإنسان في عهد أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته وأنه قد أفاض على خلق النعمة وكتب على نفسه الرحمة وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجواد والجود كله له وأحب ما إلي أن يجود على عبادي ويوسعهم فضلا ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمته ويضاعف لديهم منته وتعرف إليهم بأوصافه وأسماء بأوصافه وأسمائه وتحبب إليهم بنعمه وآلائه فهو الجواد لذاته وجود كل جواد خلقه الله يخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده فليس الجواد على الإطلاق إلا هو وجود كل جواد فمن جوده ومحبة للجود والإعطاء والإحسان والبر الإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم فهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته السميع البصير لذاته فجود العالم لوازم ذاته والعفو أحب إليه من الانتقام ورحمة أحب إليه من العقوبة والفضل أحب إليه من العدو والعطاء أحب إليه من المنع ومدارج سالك ابن القيم رحمه الله تعالى نوصل une parole des plus magnifiques. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, dans sa promesse faite, c'est-à-dire à l'humain, il l'informe qu'il est le plus généreux des généreux, le plus noble des nobles, le plus miséricordieux des miséricordieux. Sa miséricorde a précédé sa colère, sa mansuétude a précédé sa punition, son pardon son pardon a précédé sa punition. Il déverse ses faveurs sur ses créatures. Il s'est imposé à lui-même, s'est inscrit à lui-même la miséricorde. Il aime la bienfaisance, la générosité, le don et la bonne action. La grâce entière est entre ses mains. Le bien vient de lui. La générosité lui appartient. La chose la plus chère pour lui consiste à donner ses bienfaits en abondance à ses serviteurs, à les couvrir de ses faveurs, de sa générosité et à compléter sa bienfaisance sur eux. Il multiplie sa grâce à leur égard. Il se fait connaître à eux par ses noms et attributs. Il montre son amour pour eux à travers les bienfaits et sa générosité. Il est généreux de par son essence, tandis que la largesse de tout être généré créé par Allah. Cette générosité dont il est à l'origine est toujours inférieure à la sienne. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, c'est le généreux par excellence, de par son essence. Quant à la générosité de toute créature, c'est Allah qui l'a créée, c'est Allah qui la lui accorde. Et comparé à la générosité d'Allah Azza wa Jal, la générosité des plus généreux parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal ne pèse pas le poids d'une petite fourmi. Son amour pour la générosité, le don, la bienfaisance, la bonté, la faveur et le bien dépassent tout ce qui vient à l'esprit des hommes ou qu'ils peuvent concevoir. La générosité d'Allah Azza wa Jal et son étendue, on ne peut l'imaginer. On ne peut la concevoir. Il est généreux en lui-même, tout comme il est vivant en lui-même, et de par son essence. Entend et voit tout, de par son essence, en lui-même. Son immense générosité est l'une des exigences de son essence. Donc Allah Azza wa Jal voit avec l'attribut. C'est la traduction, Allahu alam, par essence. Son immense générosité est l'une des exigences de son essence. Le pardon est plus cher à lui que la vengeance, et la miséricorde est plus prisée par lui que le châtiment. Il préfère la faveur à l'équité et le don à la privation. Il ajoute... أو قال رحمه الله وأنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله لأنه الملك الحق الجواد أجود من من سئل وأوسع من أعطى وأحب ما إلى الجواد أن يرجى يؤمل ويسأل وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه Dans Madarij al-Salikin, il nous dit: le Seigneur aime quand ses serviteurs placent leurs espoirs en lui, le sollicitent et lui demandent sa faveur, parce qu'il est le véritable leur. Le roi, la vérité, le généreux, le plus généreux de ceux que l'on sollicite, et le plus munificent de ceux qui octroient la chose la plus chère au généreux, qu'on l'implore, qu'on fonde son espoir en lui et qu'on lui demande. Et dans le hadith, celui qui n'adresse pas de demande à Allah encourra sa colère. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa grande générosité et la perfection de celle-ci, aime que son serviteur, que ses créatures abandonnent tous leurs espoirs en lui, le sollicite, l'invoque, l'implore, lui demande tout ce qu'ils veulent et tout ce dont ils ont besoin. Allah Azza wa Jal est le plus généreux de ceux vers lesquels on se dirige. Tu ne peux te diriger vers meilleur qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour tes demandes. Tu ne peux faire mieux que de lever tes mains vers ce Seigneur parfait, vivant, qui ne meurt jamais, généreux, grand donateur, Tabaraka wa Ta'ala. Il aime qu'on lui demande. Il entend nos supplications et il répond, Tabaraka wa Ta'ala. C'est celui qui donne avec la plus grande largesse et générosité. Allah Azza wa Jal aime la générosité, donc il aime qu'on lui demande et qu'on lui soumette nos demandes. Et qu'on développe un espoir profond lorsqu'on s'adresse à lui. Et dans le hadith rapporté par Imam Ahmad al-Tirmidhi, al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, avec une chaîne de transmission acceptée, comme on trouve dans le Rukayd al-Albani, al-Silsilat al-Sahihah, celui qui ne demande pas à Allah, il se met en colère contre lui. Allahu Akbar. Allah est tellement généreux. Il y a une générosité tellement parfaite. Et nous sommes tellement besogneux face à ses dons, que si on ne lui demande pas, il se met en colère contre nous. Alors que le fils de Adam, lorsque tu le sollicites à répétition, c'est là où il se met en colère. Fasubhanallah, al-Jawad, al-Karim. وقال رحمه الله ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره وبره بهم إلا أنه خلق لهما في السماوات والأرض. Écoutez cette parole, Allahu Akbar. Ibn al-Qayyim toujours nous dit: s'il n'y avait, ou je vais lire la parole dans son entièreté, ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه خلق لهم ما في السماوات والأرض وما في الدنيا والآخرة ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وشرع لهم شرائع وأذن لهم في مناجاته كل وقت أرادوا وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وكتب لهم بالسيئة واحدة فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة وإذا بلغ الذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب ووفقهم لفعلها ثم قبلها منهم وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله ووفقهم لفعله وكفر عن سيئاتهم به وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات وهو الذي أمرهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخرا وهم محل إحسانه كله منه أولا وآخرا وأعطى عبده المال وقال تقرب بهذا إلي أقبله منك فالعبد له والمال له والثواب منه فهو المعطي أولا وآخرا فكيف لا يحب من هذا شأنه فكيف لا يحب من هذا شأنه وكيف لا يستحي العبد ويصرف شيئا من محبته إلى غيره؟ ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه؟ ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه؟ فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. Dans طريق الهجرتين. Dans طريق الهجرتين. ابن القيم رحمه الله تعالى. Son amour pour ses serviteurs, sa bienfaisance et sa bonté envers eux ne se confine pas à avoir créé. Je reprends. S'il n'y avait parmi les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies pour se faire aimer de ses serviteurs, s'il n'y avait parmi les causes par lesquelles Allah azza wa jal se fait aimer de ses serviteurs que le fait qu'il leur a accordé de sa bienfaisance, de sa générosité, de sa bonté, le fait qu'il ait créé pour eux les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve, ce qu'il y a dans ce bas monde comme ce qu'il y a dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla a créé tout cela pour nous. Puis il nous l'a rendu licite et il nous a honorés par celle-ci. Il a également envoyé ses messagers, il nous a envoyé ses messagers, nous a révélé ses livres, nous a légiféré ses législations. Il nous a permis de l'invoquer. Il nous a permis, tabaraka wa ta'ala, de s'adresser à lui en tout temps, à chaque instant. Dès lors que nous le voulons. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis de nous diriger vers lui, de l'invoquer, de nous adresser à lui à chaque instant et à chaque fois qu'on le voudra. Et il a inscrit pour son serviteur, pour chaque bonne action qu'il accomplira, une hasana multipliée par 10, jusqu'à 700 fois, jusqu'à décupler même cela. Quant au péché, lorsque son serviteur le commet, on lui inscrit un seul péché. Et s'il se repent, on le lui efface. Et à la place, on lui inscrit une bonne action. Et quand bien même le serviteur commettrait énormément de péchés jusqu'à remplir l'espace que peut contenir les cieux, que par la suite, ce serviteur-là demandait pardon à Allah Azza wa Jal, Allah lui effacerait tout cela. Et si le serviteur rencontre Allah Azza wa Jal avec tous les péchés que la terre peut porter sans le shirk, mais qu'il le rencontre avec le tawhid, sans avoir commis le shirk, Allah Azza wa Jal le rencontrera avec la même étendue en pardon. Allah Azza wa Jal nous a légiféré des actions par lesquelles il efface nos péchés. Il nous a légiféré le repentir qui détruit les péchés. Et il nous a accordé la réussite afin de l'accomplir. Puis il a accepté de nous, Allah, cet tawwab, il met dans nos cœurs l'amour du repentir, l'envie de revenir à lui, délaisser le péché. Puis il l'accepte de notre part alors qu'on lui a désobéi. Il nous a légiféré le pèlerinage. Ce pèlerinage par lequel, s'il est bien accompli, il efface les péchés passés. Il accorde la réussite à son serviteur pour l'accomplir. Puis il lui efface ses péchés par cela. Aussi, il lui a légiféré beaucoup de bonnes actions et de causes de se rapprocher de lui. Et c'est lui qui nous a ordonné cela. C'est lui qui nous a créés pour accomplir cela. C'est lui qui nous a donné tout ça. Et c'est lui qui, malgré tout, a rattaché la récompense à son accomplissement. Subhanallah. Allah Azza wa Jal nous a donc donné les causes. C'est lui qui nous a facilité cela. Et avec tout ça, il nous récompense. Alors que toute la faveur lui revient. Toute la grâce lui revient. Il nous a créés. Il nous a fait aimer l'adoration. Il nous a permis de l'accomplir. Et après tout ça, il nous récompense. C'est réellement par excellence le plus généreux des généreux, tabaraka wa ta'ala. De lui émane la réussite, le don. La ressource vient de lui autant que la rétribution et la réussite. Le don est de lui, avant tout et après tout. Quant aux fidèles, ils sont essentiellement l'objet de toute sa bienfaisance. Il a octroyé la richesse à son serviteur en disant « Sers-toi de ceci pour te rapprocher de moi et je l'accepterai de ta part. » Le fidèle est à lui, tout comme la richesse est à lui. La récompense vient de lui, c'est lui qui donne avant tout et après tout. Comment ne pas aimer celui qui a une telle importance ? Pourquoi le serviteur n'aurait-il pas honte de vouer une part de son amour à quelqu'un d'autre ? Avec tout ce qu'on vient de lire et d'entendre, avec tout ce qu'on médite et les bienfaits qu'on connaît d'Allah Azza wa Jal sur nos personnes et ceux qu'on ne connaît pas, comment est-ce qu'on pourrait ne pas aimer Allah Azza wa Jal avec cette grande place qu'il a ? Comment est-ce qu'on pourrait ne pas avoir honte de prendre l'amour, l'adoration et de le donner à un autre que lui, tabaraka wa ta'ala, après nous avoir octroyé tout cela ? Qui d'autre mérite la louange, l'éloge et l'amour plus que lui ? Qui est plus digne de la générosité, de la donation, de la bienfaisance, si ce n'est lui ? Exempt soit-il de tout défaut, toutes les louanges lui reviennent de droit, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée, si ce n'est lui, le puissant, le sage. وَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ وَقَدْ عَرَفَ فَضْلَ اللَّهِ وَجُودَهُ وَعَطَاءَهُ وَأَنَّ الْعَطَاءَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَنْعِ وَالْعَفْوَ أحب إليه من الانتقام وأن لا يتعرض لغضبه سبحانه بفعل مساخطه وارتكاب مناهيه فإن من فعل ذلك فقد استدعى من الجود والكرم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر وتعرض للإغضاب وإسخاطه وانتقامه وأن يصير غضب وسخطه في موضع رضاه وانتقامه عقوبته وعقوبة في موضع كرمه وبره وعطائه فاستدعى بمعصية من أفعاله ما سواه أحب إليه منه وخلاف ما هو من لوازم ذاته والجود والإحسان. Après avoir compris tout cela, il convient, Ibn al-Qayyim nous dit dans Madarij al-Salikin, il convient au serviteur après avoir connu la grâce d'Allah, sa générosité, sa grande donation, il lui faut savoir qu'Allah préfère donner au serviteur que de le priver, de pardonner au serviteur que de se venger. Alors, il ne faut pas que le serviteur commette les erreurs et fasse les causes qui lui attirent ce qu'Allah Azza wa Jal ne préfère pas faire. En d'autres termes, Allah Azza wa Jal t'enseigne qu'il préfère te pardonner que de te châtier. Alors nous, on ne doit pas faire les péchés. On ne doit pas faire ce qu'Allah ne préfère pas faire, c'est-à-dire nous punir et se venger. Allah préfère le pardon à la vengeance. Il incombe donc aux fidèles de ne pas susciter la colère du Seigneur en accomplissant des actes qui suscitent sa colère et en commettant des péchés. En effet, celui qui agit de la sorte requiert de celui qui est le grand donateur, le généreux, le contraire de ce qu'il préfère faire. Le contraire de la bienfaisance et de la bonté par laquelle il se caractérise. En se comportant ainsi, on s'attire la colère d'Allah, la punition d'Allah. Or, Allah préfère nous pardonner, préfère effacer nos fautes, préfère nous donner avec largesse. Il ne préfère pas nous priver et nous châtier. Mais de par notre comportement, de par nos péchés, on s'attire le contraire de ce qu'Allah Azza wa Jal préfère faire. Il s'expose donc à sa colère, à son mécontentement, à sa vengeance. Son irritation et sa désapprobation remplaceront son agrément. Et sa punition se substituera à sa générosité, sa bonté à son don. Ainsi, par sa désobéissance, il engendre des actes qu'il aime moins que d'autres et une réaction opposée aux exigences de son essence, telles que la grande générosité et la bienfaisance. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Allah Azza wa Jal préfère nous donner que de nous priver, nous pardonner que de nous châtier. Sa miséricorde a devancé sa colère, mais il a rattaché ses grands bienfaits à des causes. Et si nous délaissons ces causes-là, on s'attire par notre cause et notre bêtise, le fait qu'Allah Azza wa Jal délaisse ce qu'il préfère faire pour être juste à notre égard. Allah préfère la largesse à la justice. Il préfère la largesse à la justice. La justice, c'est de nous donner ce qu'on mérite, la punition. La largesse, c'est qu'il nous donne de par sa perfection, de par sa générosité. Il passe sur nos fautes et il nous accorde. Ça, c'est pas un mérite qu'on a sur Allah. Ça ne revient pas de droit et on ne le mérite pas. Mais c'est une grâce de la part d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il nous donne. C'est une largesse, c'est une donation, c'est une grâce, c'est une faveur. Mais nous, ce qu'on mérite, c'est la punition parce qu'on a des péchés. Parce qu'on a, Allah nous a créés pour l'adorer et on a délaissé des obligations. Allah nous a créés pour l'adorer et on a commis des interdits. Donc la justice, c'est la punition. Mais Allah Azza wa Jal préfère nous donner avec miséricorde plutôt que de nous priver avec justice. Nous pardonner par générosité que de nous punir par équité et justice. Nous espérons donc que le Seigneur, Al-Jawad, Al-Mu'ati, le grand donateur, le généreux, nous accorde à tous la possibilité de mettre en œuvre le moyen de bénéficier de sa générosité, de ses dons. Nous souhaitons qu'il nous préserve des voies qui mènent à sa colère, à sa punition et à sa vengeance. La générosité est la sienne, la faveur est la sienne, et le commandement lui appartient au début et à la fin. Il n'a point d'associé. Wallahu a'lam. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله تبارك وتعالى وهو الجواد المعطي أن يمن علينا بإيمان كامل ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا جواد يا معطي يا جواد يا معطي يا جواد يا معطي اللهم أعطنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا غفور يا رحيم يا جواد يا معطي يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Il y a eu certains décès parmi les parents de ceux qui fréquentent la mosquée, à l'image du père de notre frère Youssouf, le commerçant qui est souvent à la porte de la mosquée, vous le trouvez chaque jour, n'est-ce pas, lorsque vous sortez de la mosquée. Naam, le frère qui vend les parfums et autre chose. Son père est décédé. Naam, on invoque en sa faveur. Asallah yarfira lahu wa yarhamahu wa yarfa'a darajati fil Fil Jannah, en demandant qu'Allah Azza wa Jal de l'accueillir dans sa miséricorde, de l'élever au paradis avec nos parents, nos personnes, nos proches et l'ensemble de ceux que nous aimons et qui nous aiment pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walhamdulillah, Rabbil Alam. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, sera la clôture de l'étude du livre Fiqhu Asma Illah al-Husna de Al-Sheikh Abdurazzaq al-Badr. Il nous reste une leçon, l'étude de Dhul Jalali wal-Ikram. L'étude de Dhul Jalali wal-Ikram. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de finir ce livre, de comprendre ses noms, ses différents attributs que nous avons étudiés, de pouvoir les mémoriser et d'adorer Allah Azza wa Jal avec cette connaissance. Ainsi, on voit que la régularité, dans cela, il y a la baraka. La régularité, dans cela, il y a el baraka. Car lorsque tu regardes le livre, tu te dis, il faudra tant de temps et ceci et cela. Non. si tu es régulier, Allah Azza wa Jal met la baraka dans ton temps et tu avances, tu appliques, tu comprends, tu transmets et ainsi de suite. Tu étudies un livre, puis un deuxième, un troisième, puis un quatrième et ainsi de suite. Walhamdulillah, walfadlu biyadillah, awwalan wa akhira. Et tout cela n'est pas grâce à notre force ni notre capacité, mais c'est un bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu pour nous. Nous nous devons d'être des serviteurs reconnaissants. Combien sont dans les fitaines de ce bas monde? Ils ne sont pas dans les assises de science. Ils ne tendent pas l'oreille à la science, ni n'aspirent à fréquenter les assises de science. Et toi, Allah Azza wa Jal t'a favorisé. Et tu es là chaque semaine à écouter, à noter, à mémoriser, à comprendre, à augmenter ta foi et à l'entretenir. Sache que c'est un bienfait inestimable et incommensurable. Remercie Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui t'a favorisé au-dessus de bon nombre de ses serviteurs. Et si Allah azza wa jal avait voulu, nous ne serons pas ici à lire, à étudier, à nous rappeler. Mais on serait plongé dans les ténèbres de ce bas monde et ses égarements. Wallahu musta'an, falhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibbu wa rabbuna wa yirada. صلى الله وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. On réfléchira inshallah au livre, on étudiera par la suite. J'avais pensé à Ahkam al-Janaiz, les règles des rites funéraires de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, ou encore à Masail Al-Jahiliya de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ou encore Fadl l'Islam. Nous allons consulter les gens de science et prendre conseil auprès d'eux. Et si un frère a un iqtirah, a une proposition, on se consulte pour voir ce dont nous avons besoin. Et nous avons besoin de la science dans son entièreté. Wallahu musta'an.